vivre ta vie dans des doses d'extasie. Puis soudain le trou noir, la gueule de bois et les histoires. Laisse-toi boire, mais laisse-nous croire que te saouler, te droguer n'est qu'une illusion à effacer. Bien comprendre un mot de fin universel. Stop.